Portrait d'assaut sur Fadjet. Un rendez-vous le dimanche 19 novembre à Pont-Saint-Vincent avec un concert organisé par la toute jeune association Renaissance. Et pour nous parler de ce concert et bien sûr de l'association Renaissance, nous accueillons en studio Noël Mignot, bonjour. Bonjour. Présidente de l'association, et Pierre Mignot, bonjour. Bonjour. Trésorier de cette même association, une association qui a été créée en 2021. Expliquez-nous tout simplement pourquoi vous avez créé cette association Renaissance. Quel a été le point de départ ? C'est un point de départ qui est multiple en fait, puisque Pierre et moi sommes déjà mariés et femmes. Nous sommes mélomanes tous les deux, je pratique moi-même de la musique et nous appartenons à une chorale. Donc nous avons aussi beaucoup d'amis autour de nous, musiciens, poètes, écrivains. Artistes. Artistes, voilà, dans tous les genres. Oui. Et nous habitons Pont-Saint-Vincent depuis 47 ans. Et nous possédons à Pont-Saint-Vincent une église qui est magnifique, qui date du 15e siècle, et que nous voyons depuis 47 ans se dégrader de jour en jour. Les précédentes municipalités n'ont pas fait grand-chose. Nous voulions faire quelque chose pour cette église parce qu'on n'arrivait pas à imaginer qu'elle puisse un jour s'effondrer complètement. Et nous avons profité des nouvelles élections et d'une nouvelle équipe pour nous lancer. On s'est dit, voilà, on va peut-être rameuter tous nos amis artistes. Avec tout ça, on devrait bien pouvoir faire quelque chose. Des concerts, des expositions, puis c'est ce qui nous a décidé. Donc nous avons rencontré le maire, monsieur Hellac, qui a été vraiment d'entrée de jeu d'accord pour nous soutenir et pour mettre à notre disposition quand même pas mal de choses. L'église, bien sûr, pour les concerts et la salle multi-activité quand nous faisons des expositions. Exposition de photos, exposition de peinture, des mosaïques. Des mosaïques, oui. Voilà. On va revenir un peu sur ce que vous avez déjà fait. Donc, avec ce souhait de pouvoir réhabiliter cette église du 15e siècle, comme vous avez dit, l'église Saint-Julien de Brioude, c'est oui, ça ? Oui, c'est ça. Qui avait donc tendance, avec les années passant, à se détériorer. Donc la création de cette association pour récolter de l'argent, pour permettre des travaux, oui, c'est ça ? C'est ça. Ils ont pour venir aussi en appui, si vous voulez, ça a été un petit peu... Je ne dis pas une obligation qu'on a, enfin une pression en tout cas, qu'on a mise sur la municipalité, qui a accepté, hein, évidemment. Avec cette passion de la musique et de l'art plus généralement, parce qu'il y a aussi des expositions, comme vous le disiez, le premier événement que vous avez organisé en tant qu'association Renaissance, c'était quoi ? Effectivement, nous avons organisé un concert voix et orgue, qui a été le point de départ de nos concerts, sachant que l'association ne peut pas donner plus de 6 concerts par an, légalement. En fait, on tourne entre 3 à 4 concerts par an. Et la merveilleuse chanteuse qui est venue animer ce concert n'est autre que Laurine Stoulig, qui est une soprano fabuleuse et qui a accepté d'être la marraine de notre association. Le premier concert avait déjà attiré beaucoup de monde. Comment ça s'était passé ? Oui, parce que ça faisait fort longtemps qu'il n'y avait rien eu de fait dans l'église. Et là, on a attiré, je ne sais pas, 80, 90 personnes. À peu près 85, oui, entre 80 et 90. Il faut dire aussi que nous avons été aidés pour ce premier concert par Dominique Dantan, organiste. Enfin, entre autres choses, il est aussi professeur d'histoire. Et il est venu ausculter, diagnostiquer notre orgue qui a 123 ans maintenant. Oui, 123 ans quand même. Oui, quand même. Oui, oui. Et qui est qui a évidemment des problèmes pulmonaires. En mauvais état. Il a fait des réparations de fortune et il a quand même pu en tirer des sons le mieux possible parce que c'est talents ne sont plus à démontrer. Donc les concerts que vous organisez, enfin les événements que vous organisez, notamment les sont d'entrée libre, hein, vous mettez une corbeille à disposition, c'est important de ne pas mettre de prix d'entrée tout simplement à ces concerts. Disons que c'était un peu pour se simplifier la vie, parce que je pense qu'organiser une billetterie, ça n'est jamais simple, ça peut de plus rebuter certaines personnes qui ne sont pas très riches, il faut dire les choses. En ces temps difficiles, je pense que les porte-monnaies sont de moins en moins garnies. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire venir le plus de gens possible pour qu'ils voient notre belle église, qu'ils voient comment elle est. Parce que c'est une église, il faut le dire, qui est riche à l'intérieur, qui a une statuaire assez fabuleuse, dont une des plus belles Pietà de Lorraine, entre autres, qui est attribuée à Jean Cros. Donc Jean Cros, c'est la transition 15e-16e. C'est une Pietà absolument magnifique. On invite les gens à venir la voir. Le problème de l'église, c'est qu'elle est fermée. Donc il ne faut pas hésiter à téléphoner pour qu'on puisse organiser éventuellement une petite visite. Mais Pour en revenir au concert et à la billetterie, c'est sûr qu'une billetterie implique une organisation relativement lourde. On a quelques bénévoles qui nous aident, mais l'essentiel du travail, c'est nous deux qui le faisons. Mm-hmm. C'est difficile. Franchement, c'est plus simple, mais, voilà. Mais le fait est quand même que cela fonctionne. Vous arrivez à récolter un peu d'argent pour pouvoir réhabiliter l'église. Oui. On a quand même fait le ratio en disant une billetterie attend un billet à, je ne sais pas, entre 10 et 20 euros. Je crois que là, on a à peu près l'équivalent d'une billetterie. Et ça permet quand même vraiment à tout le monde de venir. Je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne donnent rien, qui ne peuvent pas, mais qui viennent régulièrement assister aux concerts. On a parlé des concerts pour la sauvegarde, on le rappelle, de l'église Saint-Julien de Brioude, une église du 15e siècle à Pont-Saint-Vincent. Vous avez parlé également d'expositions. Elles permettent de mettre en avant l'histoire de cette église ou d'autres arts que vous mettez en avant au sein de l'association Renaissance. Les expositions, en fait, on essaye de trouver des artistes qui acceptent de venir. Oui. Quand ils viennent, ma foi, ils vivent leur vie, on va dire. Hein. Mais le but, c'est de faire parler de l'église. Autrement, ça n'a jamais un lien direct avec le monument, en fait. Pas encore, peut-être. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. On peut espérer, quand les travaux commenceront, si tant est qu'ils commencent un jour, c'est très très long sur le plan administratif. Et enfin, c'est en marche. Peut-être que là, on pourra effectivement faire des expositions en lien avec l'évolution, l'avancement des travaux. Le dernier concert qu'on a donné en 2022, qui a été un concert assez fabuleux avec trois artistes magnifiques. Il s'agissait d'une chanteuse qui était donc notre marraine, Laureen Stulig, d'une superbe pianiste iranienne, Laila Ramzan, et d'un très bon percussionniste, Jérôme Salomon, qui est venu d'ailleurs lors du dernier concert avec sa femme. Ce concert donc avec les trois artistes était assez extraordinaire parce que déjà l'église était, je dirais pas pleine, mais confortablement remplie. On avait quand même une bonne 150aine de personnes, ce qui était déjà pas mal. Et en plus, elles ont, avant le concert, tourné une vidéo qui a été faite par des professionnels à l'intérieur de l'église, parce qu'elles ont créé un duo qui s'appelle le duo Anaïde, et elles ont donc tourné cette vidéo, ce qui permet de visualiser un petit peu l'église quand même. Ça a été un premier événement marquant. Le concert derrière, qui lui a été là vraiment au top. Une réussite. Oui, et à la fin du concert, on peut dire qu'on a vu 150 personnes debout en train de chanter avec les artistes. Alors là, c'était fabuleux. Et ça peut permettre donc la vidéo de faire connaître l'association et surtout l'église. Tout à fait, oui. Eh bien, on mettra un lien sur le site internet de la radio et on en écoute tout de suite un petit extrait. Un extrait du duo Anaïde, un enregistrement réalisé dans l'église Saint-Julien de Brioude de Pont-Saint-Vincent à l'invitation de l'association Renaissance. Nous sommes toujours en compagnie de Noël Mignot, présidente de l'association Renaissance, et Pierre Mignot, trésorier. Vous avez également cité donc Jérôme Salomon, c'était le dernier concert le dimanche 29 octobre. Là aussi, le public était présent. Tout à fait, il y avait 80-90 personnes. C'est notre jauge à peu près pour l'instant, mais on cherche à développer. Hein. Mais bien entendu, eh bien, on est là déjà pour ça d'ailleurs. Parlons du prochain concert qui nous attend le 19 novembre. Avec, eh bien, expliquez-nous un peu qui nous allons retrouver à l'église de Pont-Saint-Vincent. Nous allons avoir un duo, cette fois aussi, flûte de Pan, ce qui n'est pas banal, et piano. C'est un duo qui est tout neuf, si j'ose dire. La flûtiste s'appelle Rima Metari et le pianiste de Kees de Visser. Lui est néerlandais, elle est algérienne, mais l'ensemble, c'est assez fantastique. Il se trouve que je connaissais Rima parce que nous, toutes les deux, nous sommes à l'école de musique de Villers et nous avons été ensemble un moment à l'orchestre de Villers. Elle joue à l'orchestre de la flûte traversière, mais sa passion seconde est la flûte de Pan, qui est un instrument qu'elle a découvert tardivement, mais pour lequel elle s'est prise vraiment de passion. Pour lequel elle excelle. C'est une excellente musicienne qui est très éclectique dans tous les domaines folkloriques, de la chanson, le domaine traditionnel aussi. et classique. Vraiment, Des musiques de films. Oui, des musiques de films. Elle est vraiment extraordinaire, très adaptable à tout, mais c'est surtout une passionnée. Enfin, les deux sont passionnés. Donc ça, c'est le 19 novembre, c'est à 16h. C'est à 16h. Hein, donc on le rappelle, l'entrée est libre avec une corbeille, bien sûr, pour permettre de vous aider à réhabiliter cette église. Voilà. Le plus urgent, justement, pour sauvegarder cette église, c'est quoi ? La couverture. La couverture. Oui, parce qu'il pleut dans l'église. Donc en ce moment, on va dire que les escaliers qui mènent à la tribune ruissellent en permanence. Donc un premier geste pour vous aider dans cette tâche de réhabiliter l'église Saint-Julien de Brioude, c'est de venir à ces concerts. Tout à fait. Il y en a eu un le 28 octobre, il y en a un le 19 novembre, le prochain après. Vous avez déjà d'autres projets, d'autres dates ? Alors, des projets, on en a, mais des dates, pour l'instant, on n'en a pas. Il faut s'adapter avec le calendrier des artistes. Bien sûr. Avec les vacances scolaires. Avec tous les impondérables qui peuvent se produire, qui malheureusement ne sont pas toujours bien maîtrisables. Donc, on va essayer de démarrer avec le printemps, si c'est possible. Mais on ne manquera pas de vous faire signe. On a pas mal de projets quand même, là, pour l'instant. Il y aurait peut-être un trio, le trio La Source, qui est peu connu sur Nancy, mais qui est tout nouveau. Tout nouveau. Trois jeunes artistes, dont Mathieu Péguiron, violoncelliste, et il a une altiste et une violoniste avec lui. Donc, a priori, ils sont d'accord, mais on n'a encore rien arrêté. On aurait peut-être une saxophoniste avec un clavecin. Pardon. On aurait encore un concert Handel, probablement, ou peut-être des airs d'opéra. Une grande variété, en tout cas, de propositions musicales à découvrir dans cette église de Pont-Saint-Vincent, que peu connaissent mais qui mérite d'être bien plus connue et bien plus bichonnée aussi aujourd'hui. On dira comme dans les guides, vaut le détour. Et si on veut suivre un peu l'actualité de l'association Renaissance, comment peut-on faire ? Est-ce que vous avez une page sur un site internet, un réseau social ? On n'a pas de site. Pas encore ? Non, nous sommes même à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous aider sur ce plan, parce que nous ne sommes plus tout jeunes. On fait ce qu'on peut avec internet, on n'est pas toujours hyper performant. Il y a une page Facebook pour l'association Renaissance, hein, il suffit de taper déjà ça. Renaissance, mais j'avoue que je la suis vraiment de très loin, donc c'est pas hyper performant. Mais nous mettrons quand même le lien sur le site de la radio pour vous permettre de suivre votre actualité. Et on en parlera aussi, bien sûr, sur la radio. On rappelle donc ce concert le 19 novembre à 16h à l'église de Pont-Saint-Vincent. Je vous laisse redonner le nom des artistes, parce que vous le ferez bien mieux que moi. Il s'agit donc de Rima Metari, flûte de pan, et de Keith de Visser, piano. Et que peut-on vous souhaiter pour la suite de l'aventure de l'association Renaissance ? Beaucoup d'adhérents. Oui, je suis trésorier, alors moi je vais dire beaucoup de sous. On peut peut-être parler finalement du prix de l'adhésion. Mais bien sûr, comment peut-on faire justement ? Alors il suffit de nous téléphoner, nos coordonnées figurent presque sur tous les articles. Le prix d'une adhésion simple est de 10€ pour l'année, et pour un membre bienfaiteur c'est 30€. Enfin, à partir de 30 euros. À partir, mais on peut... Ah oui, on peut donner plus de zéro derrière. On peut donner beaucoup plus, et sachant que notre association est habilitée à établir des reçus pour déduire des impôts. Il faut signaler également que les travaux à venir dans l'église, puisqu'on a reçu le feu vert de la DRAC, ce qui est déjà un point important. On a vu comment les choses vont commencer à s'organiser. Il nous reste à boucler l'étude. Le paiement de l'étude. Disons que nous, on va déjà pouvoir donner 10% de cette somme. J'ai quand même relativement important. Déduction faite des subventions données par la DRAC, 50% du prix de l'étude seulement. La région. Et la région, mais qui ne donnera qu'au démarrage des travaux. Alors maintenant, il reste donc nous qui allons abonder à hauteur de 7 500 euros à peu près, et la mairie 20% de la somme. Enfin, je redis quand même que rien que le prix de l'étude, le montant de tout cela s'élève déjà à 90 000 euros. Voilà, donc on le voit déjà, la lourdeur administrative, bien sûr, qui va avec toutes ces démarches et l'argent qu'il faut trouver derrière. Alors, l'argent qu'il faut trouver derrière, comme vous dites, ce n'est pas une mince affaire, c'est parce que la somme qui a été prévue par l'architecte est supérieure au million d'euros. Et ça ne se trouve pas, comme on dit vulgairement, sous le pied d'un cheval, donc... On crie au secours, aidez-nous, venez nombreux, et puis... On est aussi à la recherche de mécènes, enfin bref. Voilà, donc là, on était à Paris la semaine dernière pour rencontrer justement des fondations susceptibles de nous aider. Elles ont des fondations qui sont peu connues du grand public, qu'on ne connaissait pas nous-mêmes, d'ailleurs. Absolument. Oui. Et pour l'instant, voilà, je suis en train de remplir des dossiers pour tenter d'obtenir quelque chose. Notamment, on a une fondation américaine. On va voir ce que ça donne. Tout le monde nous répond, mais oui, il y a la Fondation du patrimoine qui va vous aider, la Fondation Berne. Mais ça ne peut se mettre en œuvre que quand les travaux auront commencé. Donc, il faut d'abord payer l'étude. Voilà. Et tout est assujetti à la décision de la DRAC. C'est-à-dire que c'est d'abord la DRAC, ensuite la Fondation du patrimoine, ensuite la Fondation Berne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, directement accéder. Et quand vous avez lancé l'association, vous le saviez que ça allait être difficile à ce point? Non. Ça a été une surprise. On s'adapte au fur et à mesure. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Tout à fait. Oui. On a déjà fait des rencontres fabuleuses, ne serait-ce qu'avec les artistes. Ne serait-ce qu'avec les artistes du concert. Et on a beaucoup public. D'artistes qui, d'ailleurs, nous ont offert leurs prestations, ce qui est quand même extrêmement agréable. C'est pareil. Par là, on va peut-être profiter de ce qu'on est à l'antenne pour demander à des artistes, des musiciens bien sûr, d'autres artistes aussi, des peintres, des sculpteurs, de nous aider, c'est-à-dire que s'ils acceptaient au moins de faire un concert gratuit, une exposition où ils nous reverseraient, on va dire, de l'argent, vraiment la porte est grande ouverte. Il faut savoir aussi que si on paye les artistes, il y a un système maintenant qui s'appelle le GUSO. Disons que si un artiste nous demande 300 euros, nous ça nous coûte 600 euros. Sachant que les quêtes nous rapportent à peu près 800 euros en moyenne, vous voyez ce qui reste si les artistes sont payants, c'est pratiquement impossible. Je fais vraiment un appel aux artistes s'ils voulaient donner quelques heures de leur temps. Puis il y a des gens talentueux qui ont aussi besoin de se faire connaître. Ça peut être aussi un tremplin pour eux. Ça. Parce que vous savez, dans le cadre des concerts comme ça, moi j'étais étonné de voir toutes les rencontres qu'on peut faire. Alors, il y a évidemment les gens du cru, les locaux, mais il n'y a pas que. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui, tiens, un tel, c'est intéressant, patati, patata, moi j'ai une association qui. Donc, on peut créer petit à petit des réseaux comme ça. Mmh. Et le but, c'est de développer justement un maximum ces réseaux pour que qu'on ne fonctionne pas non plus de façon hermétique, qu'il faut ouvrir un peu partout, donc... Voilà où on en est. Donc un apprentissage sur le tas aussi, quand on devient bénévole, qu'on crée une association, qu'on se rend compte de la montagne de travail qu'il y a à faire et de cet argent qu'il faut trouver malheureusement, qui va bien au-delà de l'aspect artistique qu'on veut partager. Tout à fait. Vous recommenceriez, là, ce serait à refaire maintenant, tout de suite? Pour une église comme la nôtre, oui. On n'hésite pas à venir la visiter, on vous appelle. Oui. Il faut nous appeler, parce que l'église, de toute façon. Nous, on a les clés, donc on peut faire visiter. Voilà. On mettra les coordonnées donc, pour vous contacter sur le site internet de la radio, et puis on partagera aussi la musique que vous avez évoquée tout à l'heure. Merci beaucoup à vous deux, et rendez-vous le 19 novembre à 16h à l'église de Pont-Saint-Vincent pour le concert. Eh bien, merci. Radio Fadjet. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.